Bonjour à tous. Aujourd'hui, filet de maquereau au four, citron, romarin pour 4 personnes. 8 filets de maquereau, 8 centilitres d'huile d'olive, 1 citron jaune, 2 branches de thym, 1 branche de romarin, du sel et du poivre. Pour la marinade, déposez les filets dans un plat creux au-dessous, parsemé de thym, de romarin assaisonné. Coupez le citron en fines tranches, déposez sur le poisson, filmez, mettez au frais 1 heure. Dans un plat à la au four, mettre les filets de maquereau recouverts avec la marinade plus huile d'olive. Pressez un jus de citron, retirez les tranches entières. Enfournez 180 degrés 8 à 10 minutes. Dressez sur des assiettes chaudes avec ce petit jus et servir aussitôt. Petite garniture, patates douces rôties, petit vin conseillé, un gascogne blanc à boire avec modération.